dit bonjour et tout le forum sourit à son tour. Des pin-ups qui prennent la pose, des couleurs partout, des petites choses. On papote juste pour le plaisir, comme si on se connaissait depuis des siècles à venir. Love Création, mon petit coin de ciel où les jours gris deviennent plus beaux, plus doux, plus simples. On crée, on rit, on se fait du bien, on parle de tout, de rien. Love Création, c'est pas virtuel, c'est des cœurs, des mains, des mots qui se rassemblent dans la joie, la bonne humeur, un grand atelier de bonheur. Love Création, mon petit coin de ciel où les jours gris deviennent plus beaux, plus doux, plus simples. On crée, on rit, on se fait du bien, on parle de tout, de rien. Love Création, c'est pas virtuel, c'est des cœurs, des mains, des mots qui se rassemblent dans la joie, la bonne humeur, un grand atelier de bonheur. Ciel où les jours gris deviennent plus beaux, plus doux, plus simples. On crée, on rit.